Hydro-Québec, la 31e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Les couchers de soleil sans toi. Avec Robert Charlebois, Pierre Lapointe, Groenland, Marie-Jo Thériault, Betty Bonifaci et plusieurs autres. Je t'ai donné mon coin de ciel. Le Festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Informez-vous au 1-866-861-4108. Puis en ligne sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. 89.1. Ici KRL. Ce soir, merci Bruno, de Bruno Côté à la mise en onde et de Marc Chaunet à l'animation au choix musical et également de notre invité spécial, notre ami de longue date, Stéphane Desbiens. Salut Stéphane. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Oui. Surtout que là, j'ai ton nouvel album entre les mains. Oui, tout frais, sorti des presses, vraiment là. Vraiment un album que tu lances cette semaine, mercredi. Oui, oui, oui, oui. On lance ça à l'Archibald de Sainte-Foy en formule 5 à 7. Et puis, on va faire une prestation à partir de 6 heures, à peu près un 3 quarts d'heure. Donc, on est prêt. Oui, c'est ça. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts, oui. Oui. C'est que ça fait quand même 3 ans que tu as travaillé sur cet album-là. Oui, ça fait... le dernier, Big Face, est sorti en 2011. Et puis, ça fait 3 ans là, qu'on... Oui, donc un gros 2 ans de travail. Un gros 2 ans de travail acharné. Wow, puis donc Making Sense, on en a écouté un extrait il y a deux semaines, j'en ai fait passer un extrait. Ouais, c'est le vidéo, mois, là, c'est ça, avec donc, c'est ce que tu m'as envoyé, la pièce, ouais. Making Sense, mais là, ce soir, on va avoir l'occasion d'entendre d'autres pièces, puis pas mal plus rock que Making Sense. Nous proposes la première pièce là, d'ouverture. C'est ça, la première pièce, c'est ça, c'est un petit peu plus, on fait beaucoup de styles différents. On peut passer de King Crimson, on peut passer à Pink Floyd, on peut passer tout ça sur un album. Donc, on voit vraiment les influences du band. Vous allez voir la première, je pense qu'on va mettre, c'est vraiment une influence King Crimson. Making Sense, c'était plus dans le Pink Floyd. Oui, tout à fait, oui. Donc, il y a Genesis. C'est la pièce Rearview Mirror. Oui, c'est ça. Et c'est toujours le Francis, ouais, Francis qui écrit les textes. Francis Foy, à la production puis aux paroles. On travaille beaucoup ensemble. Puis vous êtes donc le trio avec Danny Robertson. Non, il y a maintenant c'est Jean Gosselin. Jean Gosselin à la batterie, Mathieu Gosselin à la basse. Puis dernièrement, il s'est rajouté une petite nouvelle. Isabelle Cormier au violon, à la voix. Ouais, donc, vous aurez une violoniste avec vous et clavier pour le spectacle au Festival d'été de Québec. Oui, au lancement. Et au lancement aussi. Oui, au lancement. Ça fait partie du son de Deep Project. Okay. Donc, un quatuor maintenant. Oui, quatuor, si on peut dire. Wow. Puis ça donne vraiment le violon, ça donne un autre son. Ça fait partie du son de Deep Project. Ah oui, oui. Puis sur l'album, on a rajouté aussi un saxophoniste, il y a de la flûte, il y a des beaucoup d'arrangements. Violoncelles, beaucoup d'arrangements. Tu as des invités spéciaux aussi, on va en parler tantôt. Peu plus tard. Ben écoute, on écoute cette première pièce-là, Rearview Mirror d'abord, puis on se reparle, on va s'en parler pendant un bon bout, on a pas mal de trucs à discuter. Parfait. Alors il va tout de suite avec ça, premier extrait pour The Deep Project tiré de Making Sense. Thank you. c'est The Deep Project. On est avec Stéphane Desbiens en entrevue à CKRL, à l'émission Terra Incognita. C'est super bon, Stéphane, franchement, c'est la pièce d'ouverture de ton nouvel album. J'ai chaud. Ouais, puis t'es prêt pour ton show en plus, qui s'en vient, le lancement, donc mercredi cette semaine, à l'Archibald, sur Duplessis, à Sainte-Foy. Et en Formule 5 à 7, et c'est également ça. Le Festival d'été de Québec, qui a décidé d'inviter des groupes prog un peu cette année. Là. Avec Marillion, le 12 juillet, c'est ça, sur la scène Loto-Québec. On était très, très contents de la nouvelle, parce que ça faisait depuis 2006, le festival m'avait approché en 2006 pour aller jouer avec le premier album, puis ça s'est jamais concrétisé. Et puis là, tu vois, après, en 2014, ça se réalise. Enfin, mais en plus, ça permet de... Tu as quand même maintenant 4 albums à ton actif. C'est ça. Donc, on peut piger dans le répertoire des 4 albums. Donc, c'est ça. Le spectacle va être constitué essentiellement de pièces. C'est ça. Des 4 albums. On en prend peut-être 2 de chaque album. Puis, c'est le fun parce qu'on prend les meilleurs. Puis vous reprenez une pièce de Sense également. Oui, sur le dernier album, on reprend une pièce de... Ça fait 10 ans maintenant. On va l'écouter tantôt. C'est ça, Out of Range. C'est pour ça qu'on l'a appelé finalement Making Sense. C'est peut-être pour faire un petit parallèle avec... Making Sense, le groupe Sense. Ouais, c'est ça. Il y a un lien. Hein? Absolument. Ah oui? Tous tes concepts dans notre affaire. Hey, c'est très bon. Donc, c'est ça, on a repris une toune de Sense, puis une des meilleures, d'après moi, de l'ancien groupe Sense. Puis j'avais quand même réalisé plusieurs albums avec Sense. Oui, on a réalisé quatre albums. Ah, oui. Fait que, disons que si on compte, ça fait 8 albums avec les 4 de Deep Project. Mais c'est ça, je trouvais cette pièce-là qui était comme un petit peu perdue. Donc, on l'a repris sur le dernier album. Oui, très bonne idée. Là, la pièce que tu nous proposes, What is Real? What is Real, c'est une pièce. Oui, c'est une pièce avec la nouvelle violoniste, Isabelle Cormier. Puis, elle fait un travail, vraiment un très bon travail. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce-là, que je voulais vous la faire entendre parce que faut dire que ce qu'on entend ce soir, c'est pas mal en primeur, parce que c'est la première entrevue. C'est la première fois que ça passe à la radio. Non, c'est pas sorti encore. C'est au 28. Puis la sortie officielle avec Universal Music, c'est le 3 juin. Ah, ça va être avec Universal Music? Oui, distribué par Universal Music. Ah, ben oui. Donc, c'est le 3 juin. Donc, tout ça, c'est en primeur aujourd'hui. Ah, le 3 juin. Oui, le 3 juin. Que l'album va paraître en magasin. En magasin, Archambault, HMV et compagnie. Là. En grande primeur à CKRL, à la Radio de Québec. On est content de faire jouer des gens d'ici, des artistes d'ici. C'est important. Oui, c'est important. On est content d'être ici aussi. Puis, il y a beaucoup de talent. Là. Il y a eu beaucoup de bonnes critiques internationales jusqu'à maintenant. Sur The Deep Project. Là, j'ai l'impression que celui-là... C'est ça. Puis, il y a beaucoup d'artistes. Je pense qu'on va en parler tantôt après cette pièce-là. Mais parlant d'artistes locaux, Giovanni Ortega. Ouais, c'est le saxophoniste. Le saxophoniste qu'on a entendu. De jazz, habituellement. Ouais, ouais. Mais, c'est quelqu'un de Québec? Sa famille est famille Québec. Okay. Il demeure à Montréal. Mais il est du Québec, quand même. Oui, il joue du jazz, habituellement. Donc, parce que tous les autres musiciens, sauf les musiciens invités étrangers... Ouais, là, sont donc, tous des Québécois, c'est ça. On a une panoplie. On va en parler tantôt. Il y a le Britannique Sean Philkins, qui était... Dans Big Big Train. Qui chantait dans Big Big Train sur les premiers disques. Ouais. Également, Claude Leonetti du groupe Lazuli de France. Un groupe très connu en France. Puis le claviériste de Nemo. Oui, Guillaume Fontaine. Wow, on va en parler tantôt, mais là, on va y aller tout de suite avec cette pièce-là, What is Real? Alors, de retour en entrevue avec Stéphane Desbiens. Merci Stéphane de nous faire découvrir ces nouvelles pièces de The Project. Ça me fait plaisir. Tiré de Making Sense, le nouvel album, c'était donc la pièce What is Real. Comme on parlait, il y a plusieurs personnes qui contribuent, des gens assez connus, là, de groupes mal connus. Dans le progressif, oui. Oui, dont... c'est comme on en parlait, le chanteur de Big Train, l'ex-chanteur de Big Train, qui joue dans une pièce où il y a également Claude Leonetti. Oui, Leonetti. Ouais, qui joue de la Léa, de cet instrument un petit peu bizarroïde. Qui est un mélange de clavier et de guitare. Ouais, c'est ça. Ça donne un petit peu la slide dans Pink Floyd, là, mm-hmm. avec David Gilmour. Il fait des espèces de slide guitare, mais c'est exactement le même son. C'est un groupe qui, comme on en parlait, là, c'est un des meilleurs groupes. Ben, c'est les deux meilleurs groupes de rock progressif français, le Nemo et la Zubi. Donc, puis là, il y a le claviériste de Nemo également qui a accepté. Guillaume Fontaine fait un solo. Plusieurs solos de clavier, finalement. Comment tu as été en rentrant en contact avec la communauté française de rock progressif? J'ai un ami, moi, qui est un ami français qui est dans le milieu. Puis. Je lui demandais son avis sur des possibles collaborations. Je lui demandais ce que j'avais de besoin. Puis là, c'est ça, il m'a sorti ces deux noms-là. Oui, oui, oui. Puis il dit ça pourrait être bien. C'est des groupes que tu connaissais un peu? Je connaissais plus Nemo que Lazuli. Mais j'ai découvert Lazuli, puis c'est vraiment excellent. Oui. Vraiment, là. Puis c'est ça. Puis Sean Philkins, j'avais entendu ce qu'il faisait. Oui. Là, il vient de sortir un album solo, c'est ce que tu disais, ou il est proche? Non, il a sorti son album solo, j'ai entendu son album solo, ça fait quelque temps. Puis je trouvais, mon Dieu, quelle belle voix. Puis il était bien coté aussi au niveau de la voix dans le monde du prog, si on peut dire. Puis je suis vraiment content là, de ce que les gars ont travaillé, ce qu'on a fait. Le résultat sur l'album, c'est vraiment le fun. En plus des musiciens locaux, là, on entendait la violoniste dans cette pièce-là. Oui, Isabelle. Ça donne une belle couleur là, à la musique de The Project. Oui, c'est ça. Puis avec Jean puis Mathieu, ça fait longtemps qu'on commence à... C'est le troisième album, quatrième. On commence à se connaître encore plus, puis... C'est vraiment, vraiment plaisant. Ouais. Ah, j'ai bien hâte. Bien hâte d'entendre ça en spectacle. Donc, la pièce qu'on va écouter, là, c'est justement la pièce où apparaît le claviériste de Nemo. Ouais, c'est ça. Il fait plusieurs solos de clavier avec des sons différents. C'est No One Here Is Innocent. C'est ça. Just an experiment. What we bear is too heavy. I'll care for you if you care for me. This is not an accident. No one here is innocent. Have we become we Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Maintenant, à La Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à La Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 26 mai à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte les Bleus. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Salut, ici Vincent Vallière. Cet été, je vous invite à prendre vos vacances en Gaspésie au Festival en chanson de Petite-Vallée. Ça se déroule du 27 juin au 5 juillet. Venez à la rencontre d'une quarantaine d'artistes, des découvertes, des têtes d'affiche et la mer à perte de vue. Fait que c'est un rendez-vous avec la chanson et l'accueil gaspésien. Moi, je serai là avec ma gang. OK, on part cet j'ai été une à Petite-Vallée. Québec. De retour à l'émission Terra Incognita, on est en compagnie de Stéphane Desbiens. Salut Stéphane. Hey, franchement, là, quand on a fait trois pièces jusqu'à maintenant, puis c'est waouh. J'ai hâte d'entendre le reste des pièces. Cette pièce, donc, Nothing Here Is Innocent. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre. Hey, c'était très très bon. Encore une fois, l'instrumentation puis le son, disais que le producteur, celui qui fait le mastering. La gravure en français, Andy Jackson, c'est l'ingénieur de Pink Floyd. Ça fait deux albums que je travaille avec Andy Jackson, puis la signature est superbe, vraiment content du son. L'équilibre, on entend les instruments comme il faut, ça c'est vraiment... Ça donne c'est un art, là. Tant qu'à donner toute cette énergie-là dans la musique. C'est là, ça. Tant qu'à être rendu à une étape, tu dis pourquoi pas aller plus loin et le rendre au maximum de ce qu'on peut faire. C'est ce qui fait un album finalement international, là, de classe internationale. C'est ça, parce exactement. Que Lady Project est connu à travers le monde. Il y a des gens un peu partout, que ce soit en Pologne, en Europe, au Japon, encore plus qu'ici, même, bien souvent. Qui connaît. En fait, dans son pays. Exactement. Fait, je dirais qu'on est plus connu et on vend plus d'albums à l'étranger. En Europe, aux États-Unis, qu'ici, au Québec. Mais petit train va loin et on va continuer à travailler fort. Mais là, il y a au moins le festival d'été. Ouais, ça donne une. Oui, le festival d'été qui donne un bon tremplin. Une exposition. Qui va nous faire connaître encore plus. Oui, un tremplin, oui. C'est ça. Et ça va être vraiment super. Donc, vous allez être là-bas en quatuor. En quatuor, on a très hâte. Et le spectacle débute, je crois, à 19h. 19h, pour le festival c'est ça. D'été. Ouais, c'est donc, ça. La scène du Pigeonnier ou la scène de l'Auto-Québec. L'Auto-Québec, oui. C'est ça. Au site du Pigeonnier, au festival d'été, le 12 juillet, le même soir que Marillion. C'est ça. Alors, soyez là tôt et ne manquez pas de The Project. On va terminer avec une pièce, ce qui est une pièce qui apparaissait sur Sense en 2004. C'était une pièce Out of Range. Puis, j'ai décidé de la refaire pour cet album-là. C'est d'où le nom Making Sense. Ouais. C'est un petit peu un concept. Puis, on trouvait que le texte de Francis était vraiment excellent. Puis, on trouvait qu'il n'y avait pas eu de promotion autour de cette chanson-là. Puis, moi et Francis, on a décidé de... on va la reprendre sur cet album-là. Puis, les musiciens, Jean et Mathieu ont fait un travail, vraiment un beau travail sur cette pièce-là. Puis il y a des cordes, il y a un arrangement de cordes qu'on a fait aussi, là, qui est vraiment vraiment le fun. Ça conclut l'album, oui. Ça va conclure l'entrevue officielle. si tu veux rester, oui. On peut continuer à discuter de musique. Et c'est la pièce Out of Range, Out of Line. Ça, oui, ça c'était vraiment une super pièce. Il y avait eu également un DVD que tu avais sorti à ce moment-là. Avec le groupe Sense. Out of Range. C'est ça. Donc, ça paraît sur le nouveau disque de The Project qui va sortir officiellement le 3 juin en magasin. Voilà. Et puis, vous pouvez venir au lancement le 28 à l'Archibald de Sainte-Foy, c'est ça, Formule 5 à 7. Puis, et on fait une prestation. Le 12 juillet. Au Festival d'été de Québec. Merci Stéphane. Merci, pour être venu nous présenter ton album, c'est vraiment excellent. Alors, on va terminer avec Out of Range, Out of Line, tiré de The Deep Project. Alors, on y va tout de suite avec ça. Et on enchaînera avec un paquet de découvertes que j'ai fait à la convention. On va vous parler de la convention là, au prochain micro, évidemment. La 10e convention Terra Incognita qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Et j'ai connu des artistes là-bas. J'ai aussi acheté des trucs qui venaient de sortir que je connaissais pas. On va vous en parler. On aura Half Past Four, donc, qui suivra juste après la pièce de Deep Project. Half Past Four, c'est un groupe de Toronto. On serait prêt. C'est ça, la chanteuse qui était là le vendredi soir avec leurs deux disques. Puis ça m'a permis de connaître ça. C'est excellent, vous allez voir. C'est une chanteuse de formation classique au départ qui fait. C'est des Russes, en fait, trois Russes et deux Canadiens dans ce groupe-là. Et cette chanteuse-là, donc, elle avait fait partie de grands spectacles d'opéra et des trucs comme ça. Vous allez sûrement reconnaître ça. Donc, allons-y tout de suite avec The Deep Project, suivi de Half Past Four. I search my soul for an answer, but new questions arise instead. Where do I fit in the picture? A storm is raging in my head. Freedom is not easy to see. Freedom. So far and out of range. My heart aches in my bones.

C'était le groupe canadien Half Past Four, tiré de leur plus récent et second album intitulé Good Things. Et c'était la pièce Landmines. J'ai, comme je vous le disais tantôt, à la convention Terra Incognita, on a l'occasion de rencontrer des exposants, si on veut, des gens qui viennent nous présenter leurs disques. Et il y en a quelques-uns que j'ai eu... auquel je me suis intéressé et que je connaissais pas déjà, et dont Half Past Four, où la chanteuse qu'on a entendue dans toutes les pièces, qui est excellente. C'est un excellent groupe que moi, en fait, j'aimais leur premier disque, Rabbit in the Vestibule. Je crois que ça s'est paru en 2011. Et ou 2010, et celui-là, le plus récent, est sorti officiellement en avril dernier, du 2013. Mais on n'avait pas eu l'occasion encore de l'écouter, et je suis convaincu qu'on écoute encore plusieurs pièces parce que j'adore cet album. Tout de suite, à la première écoute, j'ai fait waouh, c'est tout à fait dans mon style. Et bon, le bloc avait débuté avec The Deep Project, et je pense que vous avez pu constater avec moi que semble être un très bon disque intitulé Making Sense. C'était la pièce Out of Range, Out of Line. On poursuit avec un groupe que j'ai découvert à la convention Terra Incognita, le groupe Third Degree, qui était là le samedi en remplacement en fait de Shadow Circus, qui n'ont pas pu venir. Alors on a découvert ce groupe qui font dans le burlesque pas mal. Il faisait plein de jokes, il y avait des costumes un peu kitsch puis tout ça, mais une musique dynamique intéressante là. J'ai acheté leur plus récent album, The Long Division. Ils ont interprété trois pièces de ce disque, trois ou quatre en fait. On écoutera cette pièce, donc You're Fooling Yourself, qu'ils ont interprété à la convention Terra Incognita. Donc on écoute ça, et ensuite on revient pour un bloc musical où on aura d'autres découvertes. Gaddy Kaplan, Nodo Gordiano. On va vous parler en fait d'une compilation qui est sortie intitulée Terra Incognita Découverte Volume 9. Ça, c'est pour les deux prochains blocs musicaux. Mais d'abord, on y va avec Third Degree. This is our time now. Stop kidding around. Sometimes everybody needs a kick of the shit. Everybody needs a constitution. With delusions of political domination. With a tag that's full of character assassination. Selling us out without a doubt. It's what you're on. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Du 22 mai au 7 juin, le Carrefour international de théâtre vous invite à la grande fête du théâtre. Le spectacle « Où tu vas quand tu dors en marchant » est de retour. Les jeudis, vendredis et samedis, de 21h à 23h, venez déambuler dans le quartier Saint-Roch où plus d'une centaine de comédiens, danseurs, musiciens et acrobates revisitent les lieux. Voyez Québec comme vous ne l'avez jamais vu. Le mois de mai est arrivé, c'est le temps des changements. Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour les fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage et cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie 100%. Évaluation gratuite. Visa et Mastercard acceptés. 88-255-0256. De plus, utilisez l'un ou l'autre des services de nettoyage et courez la chance de gagner 12 mois d'entretien gratuit. 88-255-0256. Gestigroup.com. En mai, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 4 mai, voyez le programme Kino Québec et l'Opéra National de Paris, La fiancée de l'Ouest de Puccini. Le 18 mai, Le Clap laisse carte blanche aux diffuseurs Antitube pour un programme inédit. Dès le 14 mai, voyez Les aventuriers voyageurs en rafale tous les mercredis à 19h. De plus, le cinéma Le Clap anime le musée de la civilisation tous les lundis et mardis. Venez assister à des projections de la programmation du Clap au cœur du centre-ville de Québec. Pour obtenir les détails de l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. C-K-R-L. Cultive tes goûts. Sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec, c'est l'émission Terrain Incognita qui se poursuit encore une heure avec vous pour partager la passion de cette excellente musique. Je vous parlais de groupe que j'ai découvert à la convention Terrain Incognita qui s'est tenue la semaine dernière, en fait semaine dernière, et ça a été un grand succès. Tous les groupes étaient excellents, les musiciens étaient sympathiques, le public était réceptif, l'ambiance était superbe. Donc il y avait Third Degree qu'on vient d'entendre qui a fait une prestation juste avant Glasshammer qui ont donné un excellent spectacle. Évidemment, Is a été mon coup de cœur, un de mes coups de cœur comme d'habitude, mais encore meilleur que d'habitude, avec plusieurs nouvelles pièces. Ils n'ont pas encore bouclé en fait leur plus récent album, mais ils nous en ont interprété plusieurs extraits et ça promet, tout était très bon vraiment. Puis il était comme ça 7 sur scène, donc deux batteurs, les deux chanteuses étaient là. Alors vraiment, tout le monde avait l'air super en forme, super content, à l'aise, c'était excellent. Et j'ai pu me procurer un des disques de Is que je connaissais pas, Ampersand, et je sais pas si j'aurai le temps de vous en faire jouer une pièce ce soir. C'est un album qui date de 2004, mais en tout cas, on verra si on a le temps dans l'émission. Sinon, ça ira à une autre émission. Il y a toujours de la bonne musique, et évidemment, quand le nouveau paraîtra, on a bien hâte de vous en faire entendre et partager. Parlant de partager et de découvrir, le magazine Terra Incognita, les découvertes Terra Incognita en CD également, il vient de sortir un nouveau CD découverte. Il s'agit du volume 9. Il y a sur ça Frequency Drift, il y a le groupe Shamal, il y a Isos, il y a Lost Kite, Dream the Electric Sleep, il y a Il Castello di Atlante, Resistor, Nodo Gordiano, Wisdom et Majestic, et également Ateria. Donc 11 groupes pour plusieurs des groupes qu'on pour la plupart d'entre nous on les connaît pas du tout, et c'est une excellente compilation que vous pouvez vous procurer à la même place que le magazine Terra Incognita en contactant Michel Bilodeau et l'équipe. D'ailleurs, il y a un nouveau magazine, le numéro 39. Il y a une entrevue avec Glasshammer. On parle du Cross to the Edge, du Baja Prog. On parle aussi d'une entrevue avec Arjen Anthony Lucassen. Il y a des chroniques de disques, de CD, de DVD. Et ça vaut toujours la peine de se procurer ça. Il y a pas mal de promotions, d'ailleurs, de Nodo Gordiano, dont on entendra une pièce tantôt. C'est tiré de leur quatrième album intitulé « Nous ». C'est une pièce qui... Il y en a un extrait sur la compile « Découverte volume 9 », mais j'en aurai une autre pièce pour vous, puisque je me suis procuré l'album et j'ai bien aimé ça. C'est un prog italien qui est pas dans la tradition là du prog italien traditionnel des vieux groupes des années 70, mais plutôt un rock moderne, un post-rock italien finalement. Et on aura une pièce intitulée « Officina » de cet album « Nous ». Avant ça, on aura « Resistor ». Ça, c'est la pièce, l'extrait qui apparaît sur la compilation. Donc, « Découverte volume 9 », la pièce « Train to Tucana », tirée de leur plus récent album « To the Stars », leur quatrième album de cet excellent groupe américain. Et pour débuter le bloc, ce sera Il Castello di Atlante qui apparaît également sur cette compilation. C'est une primeur, donc ça vient d'un album qui n'est pas encore sorti et apparaître. L'album, il va s'intituler Arxis Atlantis, et c'est la pièce Non ho mai imparato. Donc on débute tout de suite avec Il Castello di Atlante, ce sera suivi de Resistor et Nodo Gordiano. We'll be right back. inizia un'altra riga, scriverò questa lunga storia. Sembra sempre uguale, ma forse non lo è se cambia la tonalità. Come una canzone riempie il vuoto intorno a me. Sono nello specchio della mia vanità, la luce delle stelle illumina le lacrime, non so cosa dire, sale la tensione.

et c'est leur quatrième disque en carrière. Et c'était la pièce Officina. Il y avait eu juste avant le groupe Resistor, tiré de leur plus récent album To the Stars, la pièce Train to Tucana. Et ça apparaît également sur compilation Terra Incognita Découverte volume 9 et également Il Castello di Atlante, tiré de ce qui sera le disque Arxis Atlantis, la pièce Non ho mai imparato. Et voilà, c'est trois des découvertes et il y en a plusieurs autres que je vous invite à vous procurer cette compilation. Alors pour le dernier bloc musical, on aura deux artistes. Il s'agit de Diaphonic, qui est un groupe de la Suisse. On commence à être fatigué à cette heure-là, hein? Ça arrive. Oui, Diaphonic, c'est leur premier disque officiel. Il y avait eu deux démos parues en 2009 et en 2011. Un de trois, un de quatre chansons. Celui-là, quatre chansons, mais disons que c'est des pièces plutôt longues. Je vous avais fait découvrir Night Rider, la pièce d'ouverture. Là, on ira avec la pièce qui ferme l'album, la pièce Thaka. Et c'est une longue pièce. Diaphonic, c'est un groupe à découvrir réellement. Je suis content d'en partager avec vous. Et c'est grâce à Jacques Dulac qui sera bientôt présent ici à la station avec Vincent. Jacques qui est en train de contact avec ce groupe de la Suisse. Ils nous ont fait parvenir leur album. Donc Troy, c'est le premier disque officiel du groupe suisse Diaphonic. On a la pièce Thraka. Alors, je remercie Jacques pour m'avoir fait découvrir ce groupe et j'aime le partager avec vous. Nas, can you tell me if tomorrow is standing around? Nas, I've been standing more than 10 years on this battleground. Nas, for my companions, not the sooner we may circle to see. No, with the car, I'm waiting for you. Red! Does the seven candle towers, the east or the west? Brent, does it buy the plan to leave behind his foreign coast? Brent, don't be alone, for I should like to see you there with me. Go with the car, I'm waiting for you. My heart's desire, I know you in the car, and I can see you, and I can feel you, and I can touch you in the car. My land, my treasure, my heart's desire, I know you in the car, and I can see you, and I can feel you, and I can touch you. In a night, walk with me, bide with me once more, as we've done for so long, struggling in this war, around the walls of Royal Priam's town, where we saw so many of our best companions fall, even noble Peleus' son, swift-footed Achilles, heralding the trophies of a war hero, did not stand to the end. Dear friend, my companion, have you forgotten your land and your home? This island far out at sea, Erithaka, lying under clear skies, landing down to the west with trees of quivering leaves. Don't you know there is no sight at all for a man that is sweeter to him than this, to be setting his eyes on the country he's always been calling his home. We are men who've seen trouble before, and this trouble is no worse than we've known. courage. Oarsmen, stick to your oars, striking hard with your blade through the swell of the sea. I am sure all these trials we cross, and this time one day we'll all be gone. It's the memories when we set feet on land, our own shore. I've seen your face in my mind every night and day. Story of the man who was driven far and wide after leaving from Troy, who suffered great anguish on the high seas and his struggles to preserve his life and bring his comrades home. I tried all that I could for you, my friend, so why did you not listen to me then? It's your transgressions that will destroy you and will lead you away from your fatherland. And what of me now? Is this my vile land? Far away, though how could I ignore you with that cup? I know I'll find you there waiting for me. I've seen much suffering in my life, all my days are millions short. Fighting 10 years this bitter war, my heart is used to this. But though it drives me across the horizon, and the waves are crashing on me, I'll never cease to seek this place, my source, my realm, my fatherland. You couldn't stop me if you tried now. I come from another world.

le groupe Diaphonic sur les ondes de CKRL 89.1 Québec à l'émission Terrain Incognita. C'était tiré de leur premier et plus récent album intitulé Troy. Alors, c'était la pièce Thaka. Pour terminer, on aura l'artiste américain Gaddy Kaplan qu'on a pu connaître. C'est un super guitariste, super sympathique également, qui a réalisé deux albums en carrière. Son plus récent album intitulé Look Back, Step Forward. Il y a sur ça une pièce qui est un mélange d'une pièce de George Harrison et également de Gong. C'est le mélange de Within, Without You de George Harrison et de Sparklings of Clouds de Gong qui apparaissait sur Gong You. C'est donc, ça va terminer l'émission pour faire la transition avec l'émission L'Autoroute. Et ce soir, Stéphane est absent. Alors, c'est Jacques Dulac et Vincent Delisle qui seront avec vous pour la nuit musicale avec les années 70. Et ça fait une belle transition, là, Gaddy Kaplan avec ce rock des années 70. Alors, c'était Marc Chaunet et Bruno Côté avec vous depuis 22 heures. On vous dit bonne semaine en ce 24 mai 2014 et on se retrouve la semaine prochaine.